Des rassemblements pour appliquer parfaitement les tâches de programme précisées dans le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un se sont tenus dans des entreprises des sciences et techniques et des industries importantes, notamment l'Académie nationale des sciences et le complexe sidérurgique Fangé. Il y a eu des rapports et interventions. Les orateurs ont qualifié le message de nouvel an du maréchal d'étendard de lutte pour opérer des progrès décisifs dans l'application de la décision du 7e congrès du Parti de travail de Corée, en élevant le moral révolutionnaire sensiblement animé de tous les militaires et civils, et se sont déterminés à concentrer tous les efforts à accomplir la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale, avec l'esprit de se renforcer par soi-même pour décorer cette année significative par une plus grande victoire et une grande prospérité de la révolution.